Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Simon Fitbé avec Phénomène. Yeah. Simon et moi, on se fait des signes à Star Trek dans les airs. Yes. On se fait des, les pinces de crabe, là. François, t'es-tu capable? Ah, tout le monde est capable dans le studio, on se sent même pas original. Puis tu peux te serrer la main comme ça? Ah, oui, ça fait un petit peu... Hey. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec la main aussi, mais ça a l'air un petit peu plus suggestif. que j'ai entendu. Se toucher comme vous disiez tantôt. Ouais. Ah, t'as entendu? T'étais là? Ben voyons donc. Donc, Simon Fitzbeck est avec nous chaque jeudi à 8h pour parler de l'histoire du rock. Oui. Les différents phénomènes qui ont créé cette histoire-là. Et oui, messieurs. Et on continue, en fait, cette semaine. On termine un peu la vie de Frank Zappa. On n'aura pas le temps, bien sûr, de tout couvrir ce qui est sorti. Parce que de son vivant, il y a eu à peu près 90 albums qui ont été lancés. C'est quand même beaucoup, mais on va essayer de résumer tout ce qui est arrivé en fin de vie de ce cher Frank. Et après, ça a été établi à la fois comme un artiste satirique et psychédélique à la fin des années 1960. Les albums Apostrophe, Overnight Sensation ainsi que Bongo Fury propulsent Frank Zappa à un niveau de popularité que l'on n'aurait pas pu imaginer venant d'un freak aux cheveux longs à la moustache épaisse. Il y avait une grosse moustache, il y avait beaucoup de poils, Frank Zappa. Héritage grec. Par contre, sa carrière allait prendre une tournure des plus intéressantes à la suite de certaines batailles financières qui ont mené Zappa à la limite de son écœurement de l'industrie de la musique. Et on verra aujourd'hui la quête d'indépendance de Frank Zappa ainsi que ses actions politiques sur la scène publique par la suite. Et on débute donc en 1976 où il met fin à sa collaboration avec son manager Herb Cohen qui avait découvert les Mothers et suivi Zappa depuis 10 ans. Cohen aurait pris plus de dividendes qu'il aurait dû sur les revenus des Mothers et sur la carrière solo de Zappa, en plus de signer des contrats entre autres avec la MGM sans son accord. Et donc, suite à des disputes intenses et furieux, Zappa agrippe les bandes maîtresses de son dernier album pour aller signer avec Warner Bros. Warner Brothers. Time Warner, maintenant. Et donc, depuis le milieu des années 70, il travaillait à un projet qui s'appelait Leather, un album quadruple qui mettait en vedette des arrangements orchestraux audacieux, des chansons rock bien senties, ainsi qu'une musique très complexe. L'ensemble de ses capacités musicales, quoi. Donc, tout ce qu'il était capable de faire à l'époque. Malheureusement pour lui, un album quadruple n'est pas vu comme un bon investissement pour la Warner qui refuse de produire l'album. Zappa s'est alors entendu avec une petite compagnie de disques, Mercury Phonogram, pour lancer l'album, mais c'est Warner qui a les droits et donc il ne peut pas lancer cet album sur Mercury. Et l'album est, comme on dit, shelvé et mis sur les étagères, les tablettes, ouais. Les tablettes et ne paraîtra pas. C'est alors que sa carrière prend un virage intéressant pour son futur. Effectivement, il voulait avoir le contrôle de ses productions ce qui empêche les problèmes du genre de Leather. Et Zappa poursuit MGM et Warner Bros. Pour récupérer ses droits d'enregistrement ainsi que ses bandes maîtresses de ses albums. Donc, tout ce qui est enregistré dans sa carrière. Comme il est en démarche judiciaire et que les droits appartiennent aux maisons de disques, il se retrouve dans l'impossibilité d'enregistrer du nouveau matériel qui était une source de revenus substantielle pour Frank Zappa. Et son seul revenu vient des concerts rock entourés de musiciens tels que Terry Bozzio et Jean-Luc Ponty. Et par la suite, Steve Vai allait se rajouter à tout ça dans les années 80. Et en plus, une apparition comme invité à l'émission musicale Saturday Night Live va aussi l'aider à mousser sa popularité. Une participation où il a joué ça. We'll be right back. help no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold. And you will do as you are told until the rights to you are sold. Et donc, Frank Zappa avec la pièce I'm the Slime qui avait été jouée à Saturday Night Live, je crois que c'est en 1976. C'était assez intéressant parce qu'il y avait donc un genre de faux vidéo placé sur toutes les télés des audiences de Saturday Night Live et tu avais de la slime justement qui coulait dans la télé. C'était assez génial. Mm-hmm. Et il faisait chanter Don Parlow, l'animateur, la voix de le Saturday gars Night avec Live. La grosse voix. Le gars de Saturday Night Live. Et donc, bien sûr, c'était dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Hello! Bonjour. Et moi, je suis Simon Fitzbay et je continue la chronique. T'es qui déjà? Simon Fitzbay. Fitzbay. D-B. Database. Hein? Database. IMDB. Simon FitzDB. Ouais. OK. C'est ça. En 1978 et 1979, je vous rappelle que Frank Zappa était toujours en conflit judiciaire avec la Warner Bros. Qui lance deux albums, c'est-à-dire Studio Tan et Sleet Dirt, qui comportent des pièces, des études complexes et instrumentales, mais sans l'accord de Frank Zappa. Ce qui met encore plus en furie, donc il veut... ce qui incrimine un peu Warner Bros. Parce que là, il allait dire devant les journaux... pas les journaux, mais devant les juges, regardez, je fais rien, puis il sort des albums sans mon accord. Bref. Il obtient finalement son indépendance en 1979 et débute à poursuivre ses anciennes compagnies encore afin de mettre la main sur tous les enregistrements qu'il a fait. Donc, on peut remonter jusqu'à Verve pour les Mothers of Invention. Et il lance finalement sa propre maison de disques, Zappa, en 1979, qui sera sa marque de commerce. Je sais pas où il a pris ce nom-là. Hein, non, hein, c'est ça fait des beaux albums, par contre. Et c'était distribué sur l'étiquette CBS pour ce qui est de la distribution seulement, mais c'est lui qui avait tous les droits de production, de ci, de ça, tout ce que vous voulez au niveau de la musique. Et donc, il établit sa compagnie en force avec deux albums phares, c'est-à-dire les albums Shake Your Booty, qui comporte les pièces Broken Hearts Are For Asshole, également Bobby Brown Goes Down, qui est un très grand succès, Jewish Princess et Dancing Fool également, qui ont été des tops. Là. Ça a monté dans les palmarès assez haut à la radio. Ainsi que l'album Joe's Garage, qui a été lancé la même année. C'est un album triple qui raconte l'histoire des hauts et des bas de Joe, un jeune musicien qui va vivre les hauts et les bas de l'histoire de la musique et découvre la foi dans l'église de la Scientologie menée par L. Ron Hoover. Hein, on s'attaquait un petit peu à la Scientologie. Ça veut dire comme un électroménage. Oui, électroménager au J, qui prône justement le sexe avec les machines et électroménager. Et en plus, Joe va se faire violer en prison. Il va avoir ici l'histoire d'une fille qui devient une groupie professionnelle. C'est assez salé, en fait, les textes de ces albums-là. Et plus l'album progresse, parce qu'il y a eu la partie 1 qui a été lancée à 8 mois de différence de la partie 2 et 3. Et la partie 2 et 3, la musique est complètement incroyable. C'est de la musique concrète et compliquée qui est plus très, très mélodique. Bref, on voit l'évolution qu'allait prendre Zappa dans les années 80. Et dans les années 80, il est plus productif que jamais, justement. Maintenant, il enregistre dans la Utility Muffin Research Kitchen, qui est son studio personnel et ses archives où il installe tous ses enregistrements. Dans son sous-sol, il y avait à peu près 3 ou 4 bunkers dans son terrain et il y avait donc tous ses enregistrements, son studio et aussi des techniciens qui travaillaient toujours sur, c'est-à-dire les enregistrements pour renouveler, pour remasteriser le tout. Il lance certains albums, dont You Are What You Is, qui a été un album assez populaire. L'album Shut Up and Play Your Guitar, Shut Up and Play Your Guitar Some More, ainsi que l'album The Return of the Son of Shut Up and Play Your Guitar. C'était 3 albums instrumentaux où Frank Zappa justement montrait à quel point c'était un virtuose de guitare. En 1982, il lance la pièce qui a été son succès le plus populaire, où sa fille Moon Unit Zappa imite la voix des adolescentes poufiasses d'Hollywood. Et il continue la tournée rock jusqu'en 1982. Stores and stuff. I like buy the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super super nice. It's like so bitchin'. Like anyway, he goes, are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's, like, his totally bliss. He goes, like, bag your face, I'm sure. I'm getting my braces off, you know? retainer, that's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know. I'll buy some like see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man and like I don't know. Like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross. Like all the stuff like sticks to the plate. It's like somebody else's food. You know, it's like grody, grody to the max. I'm sure it's like really nauseating. Like bark out, gag me with the spoon. Gross. I am sure. Totally. Totally. C'est fatigant, ça. Mais hein, c'était Moon Unit Zappa, la fille de Frank, qui participait à la pièce Valley Girl, qui est parue en 1982. Elle imitait donc les adolescentes, on peut dire en parenthèse, poufiasses d'Hollywood, ouais. Qui étaient gâtées, pourries à l'os et qui ont donné... Moi, je trouve que ça ressemble à Paris Hilton. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose que ce qu'on a entendu de sa bouche. Dans les petites téléréalités d'MTV, etc. Ouais. Ouais. Fait dur. Donc, en fait, Moon Unit Zappa, qui est vraiment pas ce genre de fille-là, par contre, là, qui dit qu'elle en a connu à l'époque. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a enregistré. Elle est rendue à 40. Elle avait 13 ans. Elle avait 13-14 ans. Cette époque-là. C'était une époque, en fait, pour Frank, dans les années 80, où il était hyper productif. Il avait son studio à la maison. Il passait ses journées complètes là-bas. Il voyait pas ses enfants. La seule façon qu'il avait, justement, de voir ses enfants, c'est de les faire participer à sa musique. Mais ils ont jamais été très, très fâchés de cela, parce qu'au moins, il était à la maison. Il s'est réveillé chez lui. Et on va laisser un peu de côté toute cette carrière rock pour regarder les autres aspects de la carrière de Frank Zappa d'ici la fin de la chronique. C'est également donc pendant cette période qu'il enregistre ses compositions symphoniques avec la London Symphonic Orchestra, dirigée par Kent Nagano à l'époque, qui est maintenant directeur de l'OSM. Il qualifie comme ses pires expériences de sa vie, c'est enregistrement avec la London Symphonic Orchestra. Effectivement, Zappa, il avait l'habitude en fait de répéter souvent avec ses musiciens rock pendant des semaines et des mois avant de faire les concerts ou des enregistrements pour s'assurer que tout était joué à la perfection pour une fois qu'on rentre en studio. Il y en était tout autre avec les musiciens classiques qui enregistraient sans répétition, qui prenaient des longues pauses syndicales, donc c'est-à-dire à peu près à toutes les deux heures, il y avait au moins 15 à 30 minutes de pause, ce qui était incroyable pour Frank Zappa surtout. En plus, il a fallu qu'il édite certaines parties des pièces qui comportaient des fausses notes. En défense de ses musiciens, Kent Nagano lui a affirmé que les pièces étaient très difficiles à jouer. C'est un échec musical qui a amené Frank Zappa à composer et enregistrer des pièces pour le Synclavier, un synthétiseur qui reproduisait les sons d'orchestre à la perfection pour 1987. Ouais, autant que les jeux vidéo étaient de la réalité virtuelle à ce moment-là. Ouais, genre, dans le genre. Mais c'était un instrument qui valait quand même assez cher et qui émulait à ce qui paraît vraiment très, très bien les sons classiques, les sons d'orchestre. Donc, c'est enregistré note par note, des choses comme ça. C'était assez génial. En plus de toute la productivité musicale, Frank Zappa s'était également illustré sur la scène politique, entre autres pendant la crise de la censure au beau milieu des années 80. Le PMRC, une organisation de mère contre le langage vulgaire sur les albums, menée par la femme Dar Gore, Tipper. Ouais, Tipper. Pourtant, Al Gore, qui était un grand fan de Frank Zappa, voulait censurer les albums pour assurer de ne pas offusquer les enfants. Frank Zappa a été un des trois artistes à défendre devant le comité, donc cette supposée censure qui ne devait pas arriver, selon lui. Et il était avec Dee Snider, chanteur des Twisted Sister, ainsi que John Denver, voilà, qui était un chanteur folk. Voici donc un extrait de son discours qu'il a fait au Congrès le 19 septembre 1985, avec les cheveux coupés dans un costume trois pièces. Il a dit, entre autres, « Les propositions du PMRC constituent une mauvaise anthologie d'absurdité incapable d'apporter un réel bienfait aux enfants. Elle contrevient aux libertés individuelles de ceux qui ne sont plus des enfants. Enfin, elle promet des années où inouïe de travail à tous les tribunaux du pays confrontés à des problèmes d'interprétation et d'application inhérents aux moralités des mêmes propositions. J'interprète au terme du premier amendement dans le sens des endroits, il privilégie les options les moins restrictives. Dans ce contexte, le projet du PMRC équivaudrait plutôt à un traitement antipelliculaire par décapitation. Donc, pour chasser les pellicules, on coupe la tête. C'est pas mal plus simple. Et c'est un long discours, en fait, qui fait quelques pages dans son autobiographie, Zappa par Zappa. C'est assez intéressant. Qui n'a pas été écrit par Zappa, c'est ça? Qui a été écrit, en fait, il était présent lorsque ça a été écrit, mais c'est pas lui qui a tapé mot pour mot ce qu'il disait. Et en plus de ça, justement, dans sa biographie, il offre une grande variété de ses opinions politiques sur tout et rien. La religion, la politique en général. Et en 1980, il était un conservateur convaincu contre les gros gouvernements, les syndicats et pour le libre marché. Il était pour les impôts les plus bas possibles, mais il n'était pas, c'était pas un freak religieux et ni comme Donald Reagan, un grand fan des armes, dont le projet Star Wars, entre autres, lui, il rejetait ça du Robert de la main. Et c'est également dans cette optique de libre marché qu'il parle dans sa biographie qu'il a inventé Napster et iTunes en 1990. Ah ben félicitations. Oui, hein, quand même assez bien. Il n'a pas inventé l'échange de vente et la vente de MP3, bien sûr, parce que le MP3, je pense, n'existait même pas en 1990. Par contre, il s'est présenté devant l'Association des distributeurs et propriétaires de maisons de disques pour annoncer la fin du vinyle, l'inutilité du CD également, et proposait de mettre sur pied un service téléphonique style un 976, là, on appelle là-bas, qui, une fois branché dans la radio par câble ou par ligne téléphone, permet aux éditeurs d'enregistrer les pièces de leur choix sur une cassette, une bonne vieille cassette 8 tracks. La qualité. Appelle, ouais, mais c'est ce qu'il disait justement. Il jugeait que la qualité d'une cassette était meilleure lorsqu'elle était enregistrée par quelqu'un chez soi à vitesse normale, tandis que les cassettes enregistrées à haute vitesse par les compagnies étaient de qualité médiocre. Et il disait justement que ça allait permettre d'avoir une plus meilleure mobilité de sa musique et un meilleur son. Par contre, il se range finalement du côté des CD en débutant une vaste campagne de réédition de ses premiers albums qui ont été grandement critiqués dû aux différentes retouches qu'il a effectuées, rendant les premières éditions vinyles de ses albums franchement rares, puisqu'il changeait des petits bouts des pièces et en speedait d'autres et tout. Et donc, ce qui mène à la carrière rock qui freine en 1990, en fait, il apprend, Frank Zappa, qu'il est atteint d'un cancer de la prostate qui s'est développé pendant 10 ans sans être détecté. C'est quand même assez gros. Ouais, et le cancer est inopérable. Il décide donc de se consacrer à plein temps à la musique contemporaine sur 5 claviers. Il est finalement reconnu comme un véritable compositeur classique au même titre que John Cage, Stockhausen ou Kneifel lorsqu'il est célébré en 1992 par l'ensemble Moderne qui reprend ses œuvres classiques dans un festival à Berlin, ce qu'on entend dans le moment. Et le 4 décembre 1993, Frank Zappa s'éteint entouré de sa famille et ainsi que de quelques amis proches. Le lendemain, il fut inhumé dans un cimetière de Californie. Sa pierre tombale ne comporte aucune inscription, il n'y a rien d'écrit, donc cherchez-le pas. Zappa, le compositeur rock, le musicien virtuose de la guitare et finalement le compositeur classique. Il a consacré sa vie pour l'avancement de son art. Il a su se faire remarquer par ses frasques, mais surtout par ses pièces inoubliables. Il mérite plutôt d'être reconnu à sa juste valeur comme un des plus grands hommes de l'histoire de la musique. Et donc, ça coupe. C'est que c'était suivi. Il y avait plusieurs pièces qui suivaient. C'est tiré de l'album Yellow Shark, paru en 1993. La pièce se nomme Dog Breath Variation. C'était, en fait, pour les gens qui s'intéresseraient à la musique classique de Frank Zappa, je vous dirais peut-être plus de vous procurer The Yellow Shark en premier que ses travaux avec la London Symphonic Orchestra. Avec Kent Nagano. Kent Nagano, oui, exactement. J'ai les chez moi, ces albums-là. Et, c'est, ben oui, c'est super bon. C'est juste que c'est assez complexe comme musique. Et écoutez ça à jeun aussi, parce que ça peut vous emmener voilà. Assez loin. Assez bon loin, conseil. Merci. Et donc, voilà, pour la carrière de Frank Zappa, résumé assez rapidement, parce qu'il y aurait eu tellement à dire sur ce gars-là. Ben, merci beaucoup, Simon. Ben, merci beaucoup, Simon. Messieurs. On te retrouve dans le reste de la Simon Fétidé, la journée qui t'est consacrée tous les jeudis matin à 8h. C'est évidemment ta chronique Phénomène que tu viens de nous faire. Ensuite, tu es de retour à, entre 11h et 13h dans Dîner de con avec Danny Janvier. C'est le scoop des internets. Toujours prêt. Toujours prêt. On va lâcher notre vielle sur iTunes aujourd'hui. Ah oui? Ben, en fait, sur le App Store et son concours. Le Mac App Store ou l'App Store en général des applications iPhone? Le App Store en général avec son concours de 10 milliards que les Québécois n'avaient pas eu le droit. Mais à cause des différentes règles gouvernementales de loterie de whatever, là. Ouais, c'est ça. Un concours de 10 milliards? Pour le 10 milliardième. 10 milliardième téléchargement, tu avais une carte de 10 000 piastres, mais il n'était pas prêt à payer 50 $ pour s'inscrire. En tout cas, C'est pour ça que les concours aux États-Unis ne marchent pas avec moi. Ben, donc, entre 11h et 13h, je pense que ça va résumer la chose. Ensuite, tu es de retour à ton émission à 21h, La Saveur du Moment. Oui, et d'ailleurs, ce soir, on va avoir quelques pièces de Frank Zappa. On va présenter l'album Shake Your Booty, un album classique. Il va peut-être avoir une ou deux pièces de Yellow Shark également, parce qu'il avait tellement à présenter qu'il va avoir les restants. L'assemblage requis, à soir. L'assemblage requis, c'est déjà des restants. Donc, comme les restants, des restants. J'allais dire la saveur du moment à 21h, évidemment, comme toujours. Puis vendredi, à Rock Classique. À 11h. À 11h, les éphémérides du rock. Mm-hmm. Est-ce que tu vas shaker ton booty? Peut-être en privé. OK. Il n'y a pas de webcam, t'es chanceux. Oui, exactement. Donc, Simon Fitzbay, de retour jeudi prochain. Merci Simon. Merci. Bonne une patate. Une petite tape et voilà des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Wow, là, il a fallu que je lâche ma job. Comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de 2 heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis, avec F.O. et Mathieu. Du lundi au jeudi de 7h à 9h.